Il venait des campagnes ou des petites villes. Ils avaient la montagne, ils marchaient sur un fil. Ils lisaient des poèmes couchés dans l'herbe folle. Et les premiers « je t'aime » noyés dans l'alcool. Ils parlaient d'un pays, de la fin de la nuit. C'était tout près d'ici, des rêves de l'utopie. Les grisailles d'octobre, le courage de Pauline, la patience est si noble quand on sort des usines. Avec le temps, l'histoire prend sa place. Quand la mémoire scintille, avec le temps, l'histoire laisse des traces sur nos âmes fragiles. Ils chantaient dans les rues, ils dansaient dans les caves. La misère était nue, souveraine et grave. Ils écoutaient les mots des poètes déchus. Et leur cœur était gros, rapaillé mais ému. Les femmes toujours belles, Marie-Claire ou Michel, et leur langue nouvelle, vivante et rebelle. Ils n'étaient qu'une vingtaine, mais parfois des milliers, écoulaient dans leurs veines la solidarité. Avec le temps, l'histoire prend sa place. Quand la mémoire scintille, avec le temps, l'histoire laisse des traces sur nos âmes fragiles. Toi, tu viens des campagnes ou d'une petite ville, y a toujours la montagne, et tu marches sur un fil.